l'immeuble d'en face, des bouts de vie s'effacent. Le journal de 20h, des images en couleur. Au quatrième étage, y'a un type tout seul qui fait son repassage en se saoulant la gueule. Sa femme l'a plaqué pour un autre plus drôle, dans son costard planqué. Il cherche encore son rôle. Dans l'immeuble d'en face, un gosse fait des grimaces. Ses parents qui s'insultent, pas facile d'être adulte. Adultère et boulot alimentent leur vie. Et le poids du fardeau rend leur rêve petit. Une assiette qui vole et un poing sur la table. Le môme qui s'affole. Ambiance indiscutable. Dans l'immeuble d'en face, y'a un gros dégueulasse. Tête rasée, l'œil vide, le néant dans le bide. Le portrait du vieux borgne au-dessus de son plumard. Pas la peine que je lorgne, c'est vraiment un tocard. Dans l'immeuble d'en face, un jeune couple s'embrasse. Des bougies les éclairent et vogue la galère. EDF est passé, plus d'électricité. La facture trop salée, impossible de payer. Mais l'amour est plus fort, ça se voit dans le noir. Quand elle crie encore. Mais ça c'est bien plus tard. Dans l'immeuble d'en face, toute nue devant sa glace, une fille se maquille, rouge à lèvres et ricile. A-t-elle un rendez-vous? Peut-être qu'elle bosse la nuit. À vrai dire, je m'en fous, mais peut-être qu'elle s'ennuie. Ou bien elle pense à moi. Après tout, pourquoi pas? On s'est croisés une fois. Elle m'a souri, je crois. Vis-à-vis, il y a un con qui mate, qui invente leur vie. Comme on peut, on s'éclate. Il est 10h30 et j'attends mon amour. Qu'est-ce qu'elle fout dans Paris quand il ne fait plus jour? Cigarette allumée, tout près du téléphone. Je souffle la fumée. Je crois que c'est elle qui sonne.